Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. Décembre 2010, Edouard Glissant accorde à Laure Adler ce qui sera son ultime entretien. D'une voix douce et calme, il en revient ici aux sources primordiales, Aimé Césaire et Frantz Fanon. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fréquenté Césaire, parce que c'était notre maître à tous. Mais je n'ai jamais participé ou acquiescé ou adopté les théories de la négritude. Précisément parce que le regard du fils et la vision de l'étranger, ou le contraire, la vision du fils et le regard de l'étranger, ça suppose la multiplicité, ça suppose que l'on soit conscient de sa multicomposition, de sa multi-relation à l'autre, et je pensais que, instinctivement, que la théorie de la négritude, qui était extraordinairement importante pour l'émancipation des Noirs, qui était un moment fondamental de l'histoire des Africains et de la diaspora africaine, pourtant n'était pas en mesure de rendre compte de cette multiplicité-là et qu'il fallait autre chose. Et c'est ce que j'ai appelé la créolisation. On peut dire de la pensée de Fanon qu'elle a été aussi nécessaire, peut-être plus, qu'à la théorie de la négritude, mais qu'elle a souffert d'un surplus d'idéologie. Mais c'était normal à l'époque. S'il n'y avait pas l'idéologie, et moi je peux, ça, rien ne marchait. Et moi je peux témoigner, pour avoir discuté avec Fanon peu avant sa mort, qu'il était prêt à revoir la pensée anticoloniale, à débarrasser de peut-être d'un surplus idéologique. Et c'est dommage que Fanon soit mort si jeune, car il aurait été un des acteurs les plus prestigieux du XXe siècle. Je suis persuadé de ça. Aujourd'hui, sa pensée, pour qu'elle soit féconde, il faudrait qu'on la continue dans son esprit. Mais les gens, souvent, s'arrêtent à répéter mécaniquement ce qu'il a dit, sans aller plus loin. Et je pense que c'est un tort qu'on lui fait, parce que Fanon avait un grand sens de la relation des cultures, de la relation des peuples et de leur liberté. Alors, quand on me dit « oui, mais plus personne ne s'intéresse à la poésie », je dis « chez vous, oui, peut-être, mais pas dans le monde ». Dans le monde, la poésie, c'est une force terrible. Elle soutient les révoltes, elle soutient les prises de conscience, elle soutient les dévouements, comme la poésie de Césaire a soutenu l'élan des peuples africains. Et il a fallu que Césaire meure pour qu'on le reconnaisse ici. Tant qu'il était vivant, bon, il était là et puis c'est tout. Mais quand il est mort, les gens se sont dit, mais non, mais effectivement, c'est un grand poète, etc., etc. Et c'est ce que je veux considérer, c'est qu'il était un grand poète.